24, ne pas écraser le fer. Tu parles des ruptures de vie, des liens qui se défont. Tu mets des limites à la dureté, tu refuses l'abus de nom. Tu protèges le pauvre du créancier, tu lui laisses son manteau le soir. Tu dis qu'on ne doit pas dormir en paix, tandis que l'autre grelotte dans le noir. Tu rappelles l'Égypte à ceux qui voudraient oublier. Tu dis souviens-toi que tu étais esclave. Alors n'écrase pas le plus petit, ne vole pas le salaire du pauvre, ne fais pas pleurer l'ouvrier dans la nuit. Tu dis souviens-toi que tu étais esclave. Alors laisse des épis dans ton champ, des grappes sur la vigne, des olives sur l'arbre, pour la veuve, l'orphelin, l'étranger passant. Tu refuses qu'on prenne en garde ce qui fait vivre la maison. Tu veux que la justice descende dans les contrats et les décisions. Tu dis que tu entends le cri du salarié injustement traité, et que tu prends sa plainte comme une prière qui monte jusqu'à ta sainteté. Tu dis souviens-toi que tu étais esclave. Tu dis souviens-toi que tu étais esclave. Alors n'écrase pas le plus petit, ne vole pas le salaire du pauvre, ne fais pas pleurer l'ouvrier dans la nuit. Tu dis souviens-toi que tu étais esclave. Alors laisse des épis dans ton champ, des grappes sur la vigne, des olives sur l'arbre, pour la veuve, l'orphelin, l'étranger passant. Apprends-nous à nous souvenir, pour ne pas répéter ce que nous avons subi.